Nouveau logis de Marguerite Audoux, lu par Clémentine pour audiocité.net. L'ancien était mon bien, j'en connaissais les plus petits recoins, pas un bruit qui ne me fût familier. Je savais à quel moment mes meubles craquaient et les ombres qui couraient le soir sur les murs étaient mes amis. Là, tout était naturel. Ici, tout est suspect. Le vent ricane près de la croisée et secoue la porte comme un voleur. L'ombre de l'étagère semble un monstrueux dragon prêt à se jeter sur moi. La flamme de la bougie, attirée par quelque chose que je ne vois pas, penche toujours du même côté. Le robinet de la cuisine gronde sans cesse comme une personne grincheuse. Mon lit mal assuré crie à tout instant, et quand enfin je commence à sommeiller, une porte de placard s'ouvre brusquement. Tiré 2, Valserine et autres nouvelles.